Nous avons insisté sur l'exceptionnelle fidélité du prophète Daniel. Il était fidèle devant Dieu, comme il était fidèle devant les hommes. Jaloux de lui, ses collègues avaient cherché une faille dans sa fonction d'administrateur de la province de Babylone, afin de pouvoir l'accuser devant le roi Darius. Mais ils n'en avaient trouvé aucune. Alors ils ont changé de politique et ont dressé un piège au roi Darius. Ils l'ont habilement poussé à promulguer un décret auquel Daniel ne pourrait se soumettre. Roi Darius, vise éternellement. Tous les chefs du royaume sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Daniel 6, 6 à 8. Cependant, le roi Darius n'a pas discerné le piège qui lui était tendu, et il a publié le décret. Daniel, quant à lui, n'a pas tardé à prendre connaissance de cette ordonnance, mais il n'a pas hésité, plutôt mourir que renoncer à prier l'Éternel. Trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel 6, 10. Les adversaires de Daniel croyaient triompher. Ils sont entrés tumultueusement chez Daniel, tandis qu'il priait. Puis, ils l'ont dénoncé à Darius, certains cette fois de se débarrasser de leur rival. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Versets 14 et 15. Quel contraste entre la paix de Daniel et l'agitation de Darius. Quel contraste aussi entre la liberté intérieure de Daniel et le joug sous lequel plie Darius. À l'annonce du décret royal, Daniel se retire chez lui, laisse les fenêtres ouvertes, prie comme d'habitude. Le roi Darius, lui, est esclave de son entourage, de sa signature et surtout de la loi des Mèdes et des Perses. Il fait jeter Daniel dans la fosse aux lions parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais ensuite, il passe une nuit blanche et le lendemain matin, dès l'aube, il court à la fosse. Démarche saugrenue, s'il en est une. Logiquement, il n'aurait guère fallu plus de 10 secondes aux lions affamés pour déchirer le corps du prophète. Si le roi s'élevait avec l'aurore, c'est probablement parce qu'il cherchait à échapper à ses innombrables serviteurs. Qu'aurait-il pensé de sa démarche insensée? Mais la fidélité constante de Daniel avait touché son cœur. Pour le roi, le miracle n'était plus impossible. Et sa foi encore bien chancelante lui a donné le courage de se lever, d'aller jusqu'à la fosse et d'appeler « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Verset 20. Oui, en effet, le miracle s'était produit. Daniel avait été jeté sans ménagement dans la fosse aux lions. Dans sa chute, il aurait pu se briser un membre ou se fracturer le crâne. Mais déjà là, Dieu avait pris soin de lui. Puis Daniel avait fait une expérience extraordinaire. Les fauves l'avaient sans doute flairé, mais aucun d'eux n'avait ouvert sa gueule. Ils étaient restés là, autour de lui, toute la nuit, sans jamais desserrer leur mâchoire. Et ainsi Daniel a expérimenté ce que le roi David avait écrit dans le psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Spontanément, Daniel a répondu au roi Darius. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Daniel 6, 22. La foi de Daniel l'a rendu vainqueur des lions. C'est sans doute à Daniel que pensait l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il parlait des héros de la foi qui vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Hébreux 11, 33. Nous pouvons, aujourd'hui encore, nous inspirer de l'attitude de foi de Daniel. Toute proportion gardée, nous avons aussi parfois nos fosses au lion, c'est-à-dire des situations particulièrement difficiles dans lesquelles nous sommes plongés. C'est pourquoi, chers auditeurs, si vous passez par l'épreuve, ne vous découragez pas, car la gueule des lions qui vous entourent est muselée. Leurs pattes sont immobiles, leurs griffes sont impuissantes, leurs crocs sont liés. Pourquoi ? L'ange de l'Éternel est là. Et si les croyants de l'Ancien Testament étaient protégés par l'ange de l'Éternel, nous, nous sommes protégés par Jésus-Christ lui-même. Il veille sur nous, il mesure la difficulté, il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Et à travers l'épreuve, le Seigneur nous éduque et augmente notre foi, car c'est dans l'épreuve que nous le rencontrerons tout à nouveau. Quant aux accusateurs de Daniel, ils s'étaient réjouis trop tôt, lorsque le roi, après avoir jeté le prophète au lion, avait scellé la pierre de la fosse. Dieu lui-même allait prendre soin de son serviteur et prendre sa revanche sur ses adversaires. De même, 6 siècles plus tard, les bourreaux du Seigneur Jésus se sont réjouis trop tôt après leur crime, quand les soldats romains ont scellé la pierre de son tombeau. Mais là aussi, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. En ressuscitant son Fils Jésus-Christ, Dieu a prouvé au monde entier sa puissance et sa gloire, car la résurrection de Jésus-Christ apporte à tous les hommes la preuve irréfutable de sa divinité et le gage certain de son retour prochain. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes chapitre 17, verset 31. Chers amis à l'écoute, la résurrection de Jésus-Christ n'est pas sans rappeler la délivrance de Daniel hors de la fosse au lion. N'est-il pas lui aussi comme revenu à la vie, si l'on songe au fait qu'il aurait pu être 100 fois déchiré? Et lorsque les chefs et les gouverneurs ont vu que le corps de Daniel ne portait pas la moindre égratignure, ils en ont été troublés. Et leur trouble a fait place à l'épouvante lorsque la colère de Darius s'est enflammée contre eux. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Verset 24. Peut-être qu'à Babylone, certains avaient pensé, en voyant le corps indemne du prophète, que les lions étaient soudain tombés malades. En tout cas, ils ont dû changer d'avis lorsqu'ils ont vu ce qui est arrivé aux accusateurs de Daniel. Une puissance surnaturelle avait fermé la gueule des lions pendant toute la nuit, ce qui ne les avait pas empêchés de flairer la chair humaine. Aussi, leur appétit en était aiguisé à tel point que, dès que leur gueule a été déliée, ils se sont jetés sur les accusateurs de Daniel et sur tous les membres de leur famille. Ah, tout peut changer dans un même cachot, dans une même fosse au lion, selon que l'ange de Dieu est présent ou absent. Chers amis, vous êtes dans l'épreuve. L'ange de l'Éternel, que dis-je, Christ lui-même, est-il à votre côté? Si oui, votre épreuve vaillamment supportée produira un fruit pour Dieu. Pour Daniel, il y a eu un fruit extraordinaire. Non seulement le roi Darius l'a fait prospérer en lui confiant la charge de premier ministre dans son gouvernement, mais ce roi, peut-être le plus haut dignitaire de l'époque, a envoyé une proclamation écrite à toutes les nations pour qu'on apprenne à respecter le Dieu de Daniel. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Versets 26 et 27. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, il n'aurait jamais pu concevoir que, 24 heures plus tard, le roi Darius affirmerait publiquement sa foi au Dieu vivant et à son règne éternel. chers auditeurs, dans votre épreuve, vous ne voyez que l'obscurité. Vous entendez peut-être les lions rugir. Et sans doute, vous ne voyez pas encore l'issue glorieuse que Dieu a préparée pour vous après votre épreuve. Mais écoutez la parole de l'apôtre. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Avec l'épreuve, le Seigneur a déjà préparé le moyen de sortir de l'épreuve, afin que vous puissiez supporter l'épreuve. Alors prenez courage et regardez aussi aux fruits que Dieu vous accordera après l'épreuve. Il est vrai que tout châtiment, ou toute épreuve, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 11. Chers amis à l'écoute, je vous souhaite du plus profond de mon cœur la sortie victorieuse de votre cachot, de votre fosse au lion, et surtout le fruit paisible de justice qui s'attache à l'épreuve vaillamment supportée. Que le Seigneur vous bénisse richement.